Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, cette présentation s'intitule « Comment les situations scolaires contribuent-elles à reproduire les inégalités sociales ?» Alors, vous allez voir l'approche dans laquelle je me situe, et c'est de la psychologie sociale. Donc vous allez voir que les travaux se situent un peu à l'interface entre la sociologie de l'éducation et puis la psychologie cognitive, donc la psychologie, la sociologie qui d'un côté met en évidence des régularités liées à l'origine sociale, je vais en donner quelques exemples, et puis d'un côté la psychologie cognitive qui va essayer de s'intéresser au processus individuel impliqué dans l'apprentissage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu l'interface, c'est de comment les situations scolaires, en fait, au quotidien, vont construire de l'inégalité. Vous avez des gens qui vont dire que ces différences d'intelligence, de motivation, elles ne seraient pas le produit des gènes, mais elles seraient le produit, en fait, de stimulation familiale plus ou moins importante. Donc, ce qu'on a appelé un peu en France dans les années 70 la théorie du handicap socioculturel, c'est cette idée que les enfants seraient plus ou moins stimulés par leurs parents et que finalement les enfants de milieux populaires grandiraient dans un milieu qui serait peu stimulant pour leurs compétences, pour leur intelligence et leur motivation. Et cette position a aussi été assez fortement popularisé, et on en parle encore régulièrement de cette étude, par exemple sur France Inter, j'ai vu il n'y a pas longtemps une émission, ils en parlaient, de Hart et Risley, qui, en fait, sur la base d'observations dans des familles, estimaient que, en fait, à l'âge de 3 ans, les enfants de milieu populaire auraient entendu 30 millions de mots de moins que les enfants de milieu favorisé. Alors, ça serait très intéressant, mais malheureusement, j'ai pas le temps. Mais toutes ces études, en fait, elles ont des biais, et en fait, on peut remettre en cause toutes ces conclusions. J'ai malheureusement pas le temps en une heure. On pourrait y passer la matinée. Néanmoins, c'est des études qui sont influentes et qui sont assez dominantes, en fait, dans le domaine de la recherche en psychologie, et qui ont aussi des conséquences sur la façon dont les individus, notamment les enseignants, les élèves eux-mêmes, vont interpréter aussi les différences qu'ils observent dans la classe. Et donc cette idée que les différences de réussite reflètent les différences de capacité de motivation, elle est aussi fortement à l'œuvre lorsque les élèves, lorsque les enseignants, les parents vont en fait interpréter les différences qui sont données à voir dans la classe. Alors, ces deux positions, un peu la théorie des dons et la théorie du handicap socioculturel, elles peuvent à premier abord paraître très, très opposées, mais en fait elles partagent une même vision des choses. Alors j'aime bien cette expression de l'inside story, de l'histoire de l'intérieur qui est proposée par Plot et Marcus, qui peut s'apparenter aussi à la norme d'internalité, à l'erreur fondamentale d'attribution, qui est cette idée qu'effectivement on va interpréter les différences entre élèves et plus généralement les différences entre individus comme avant tout les différences de caractéristiques individuelles, les différences quand il s'agit d'expliquer la réussite scolaire, des différences de capacité et de motivation. Alors, le problème de ce type d'explication, et c'est une des critiques adressées par la psychologie sociale, c'est qu'en fait, il sous-estime considérablement le poids des situations dans lesquelles les apprentissages se réalisent. L'originalité un peu de la démarche en psychologie sociale, c'est d'essayer de montrer comment les situations, en fait, peuvent influencer l'individu, et sur cette question de la réussite scolaire, comment les situations peuvent influencer, en fait, l'apprentissage et les performances des élèves. Alors, ce mot de situation, il est un peu large, il est un peu vague. En fait, la situation, ça renvoie à différentes choses. Ça renvoie à des croyances culturelles, notamment cette fameuse histoire de l'intérieur dont je vous ai parlé. Mais ces croyances culturelles, ça peut être les stéréotypes. Et il y a un ensemble de chercheurs qui ont montré, et notamment Caroline Desombres, ici, qui travaille aussi sur cette question, comment les stéréotypes peuvent influencer, en fait, l'apprentissage et les performances des élèves. Alors les stéréotypes liés à l'origine sociale, mais il y a aussi des travaux qui sont intéressés aux stéréotypes de genre, comment les stéréotypes de genre jouent un rôle dans la construction des inégalités entre les filles et les garçons à l'école, et notamment dans le fait que les filles s'orientent moins dans les domaines scientifiques. La situation, c'est aussi le fonctionnement de l'institution. Donc il y a aussi des psychologues sociaux qui sont intéressés comment certaines formes d'évaluation, comment notamment l'aspect un peu compétitif et sélectif du système éducatif peut influencer les performances et créer de l'inégalité. Donc il y a notamment, vous le connaissez peut-être, Michael Jury qui était dans cette institution il n'y a pas très longtemps, qui travaille aussi beaucoup sur cette question de la fonction de sélection. Et puis, Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les interactions quotidiennes. Alors, interactions quotidiennes qui sont déterminées, rendues possibles par les institutions et les croyances culturelles, mais comment les interactions, et notamment la comparaison sociale qui existe entre les élèves, peut influencer leur apprentissage et leur performance. Alors, dans la première série d'études que je vais vous présenter, qui sont des travaux que j'ai réalisés pendant ma thèse, je me suis intéressé effectivement au rôle de la comparaison sociale. Alors, la comparaison sociale, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand je réalise une tâche en même temps que plusieurs personnes, je vais difficilement pouvoir en fait m'empêcher de me comparer ma performance avec la performance des autres personnes qui sont autour de moi. Alors c'est valable à l'école bien sûr, mais c'est valable aussi dans la vie. Vous apprenez, vous faites du sport, vous apprenez à faire du ski, vous allez comparer votre performance avec la performance des gens qui vous entourent. Imaginons que vous débutiez au ski et que vous tombiez. Si les autres personnes autour de vous se mettent à tomber aussi, ça va pas avoir la même influence sur votre perception de vous-même que si autour de vous tout le monde en fait est très à l'aise dès le début à faire du ski. Et surtout si ces gens vous font croire qu'ils sont débutants et qu'ils en font pour la première fois, ça va en fait influencer la perception que vous allez avoir de vous-même et de vos capacités à faire du ski. Dans la salle de classe, en fait, il y a énormément d'informations sociales, les notes, les performances, le fait d'avoir fini très vite une tâche, le fait qu'il y ait des élèves qui disent « Oh là là, c'est super facile, j'ai déjà fini, est-ce que je peux avoir un autre exercice ?» Toutes ces informations-là, elles vont générer de la comparaison entre les élèves. Alors pourquoi on s'est intéressé à ça ? Eh bien parce que en fait on s'est dit que la probabilité finalement de faire l'expérience de ce qu'on appelle des comparaisons menaçantes, c'est-à-dire le fait de voir d'autres élèves réussir mieux que soi, elle n'allait pas être répartie en fait au hasard dans la salle de classe, et que cette probabilité de faire l'expérience de comparaison ascendante, de comparaison menaçante, où on voit les autres réussir mieux que soi, c'était surtout les élèves de milieux populaires qui allaient faire l'expérience de ce type de comparaison. Alors pourquoi ? On s'est appuyé sur les travaux de Bourdieu et Passeron sur la reproduction sociale, et notamment sur la théorie de l'arbitraire culturel, qui a souvent été confondue à tort avec la théorie du handicap socioculturel, mais qui en fait est très différente. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que disent Bourdieu et Passeron ? Ils disent que finalement l'origine sociale c'est un puissant contexte de socialisation qui va en fait développer, alors qui va donner accès à des ressources économiques bien sûr, qui peuvent avoir aussi une influence sur la réussite scolaire, mais qui va donner accès en fait à un capital culturel, c'est-à-dire certaines manières de se tenir, de parler, certaines connaissances et compétences qui vont être extrêmement utiles en fait pour l'apprentissage scolaire et la réussite. Le fait d'emmener ses enfants au musée, de leur lire des livres régulièrement, ça va développer des connaissances et des compétences très tôt qui vont en fait les mettre dans une position extrêmement favorable pour réussir dans la classe. Alors, la grande différence par rapport à la théorie du handicap socioculturel, ça c'est des exemples des activités dont on sait qu'elles sont extrêmement prédictives de la réussite scolaire, extrêmement utiles. Le fait d'aller à la bibliothèque, d'avoir des moments de lecture partagée avec ses enfants, c'est des pratiques culturelles qui sont extrêmement prédictrices de la réussite scolaire. Mais contrairement à la théorie du handicap socioculturel qui postule que finalement les enfants de milieux populaires en fait vont grandir dans des environnements qui vont les handicaper et en fait qui vont les empêcher d'avoir les compétences et la motivation suffisantes et nécessaires pour réussir, ce que disent Bourdieu et Passeron, c'est qu'en fait l'école elle est construite sur des normes, sur des standards en fait qui vont être beaucoup plus proches en fait du capital culturel développé dans les classes favorisées que dans les classes populaires. Mais avec cette idée que finalement les élèves de classes populaires ne sont pas handicapés au niveau de leurs compétences et de leur motivation, mais simplement en fait ils sont placés à une plus grande distance d'un ensemble de savoirs, de compétences qui sont extrêmement utiles et rentables pour réussir à l'école. Et donc ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que dès la petite section, vous avez des enfants qui sont déjà familiers en fait, des, des exercices, des livres, ça se voit très bien sur les livres, par exemple, le fait de connaître déjà l'histoire, de savoir si le loup, en fait, non, le loup, il est pas méchant, il va pas manger l'enfant, en fait, c'est un loup sympa, qui a peur, etc., qui vont, en fait, des compétences qui vont être extrêmement utiles pour participer, en fait, dans la classe, pour pouvoir donner son opinion, pour pouvoir dire ce qui va arriver au personnage. Et puis, ensuite, quand on avance dans la scolarité, en CP, par exemple, eh bien, le fait de connaître déjà le nom des lettres, de savoir comment elles chantent, de savoir que si on les assemble, ça produit du son qui veut dire quelque chose. Toutes ces compétences-là, ça va permettre aux élèves de réaliser les tâches beaucoup plus vite que les autres, avec beaucoup plus d'aisance, et ça va les mettre dans une position favorable, et ça va générer des comparaisons, en fait, qui vont être plutôt défavorables aux élèves qui, eux, ont une plus grande distance à parcourir pour, en fait, maîtriser ses savoirs et ses compétences. Et alors, au-delà de l'inégalité académique, hein, au-delà du fait que la tâche, elle va être plus facile ou on va la réaliser plus rapidement, eh bien, ça va conférer aussi un avantage qui est symbolique. C'est-à-dire, comme je le disais en introduction avec la partie de Monopoly, eh bien, le fait d'arriver à faire les exercices plus vite, plus facilement, eh bien, ça va permettre d'être perçu et de se percevoir comme plus compétent, plus intelligent, plus motivé. Et inversement, les élèves qui ont une plus grande distance à parcourir, eh bien, ça va entraîner une perception de soi et aussi une perception par les autres comme, eh bien, finalement, moins compétent et moins motivé. Et il y a, depuis très longtemps, un ensemble de travaux en psychologie qui montrent que ce sentiment de compétence ou d'incompétence, eh bien, il a une influence très importante sur l'apprentissage. Le fait de se sentir incompétent, eh bien, ça crée de l'anxiété, du stress, des ruminations, et qui finalement, ça, c'est très consommateur de ressources cognitives. Quand on est en train de se demander pourquoi lui il y arrive et pas moi, est-ce que je suis intelligent, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir, eh bien, tout ça, ça consomme des ressources cognitives, en fait, qui vont pas pouvoir être utilisées, en fait, à la tâche. C'est comme si finalement les élèves étaient en double tâche, et en plus de l'exercice qu'ils ont à réaliser, eh bien, ils ont une autre tâche très coûteuse qui est liée à la gestion de l'image de soi, puisque finalement, c'est très désagréable de se sentir incompétent, c'est très désagréable de penser qu'on est moins intelligent de les autres, ou de redouter peut-être que les autres nous trouvent moins intelligents. Alors, dans une série d'études que je vais vous présenter, on a voulu tester cette idée, finalement, est-ce que les comparaisons sociales qui ont lieu dans la classe, eh bien, elles peuvent créer des écarts de performance liés à l'origine sociale. Et donc, dans ces études, on a fait l'hypothèse suivante, qui est que quand on est moins familier d'une tâche, quand on est moins familier des apprentissages, eh bien, ça va nous mettre dans une situation de comparaison, en fait, où on va voir réussir les autres mieux que soi. Et notre hyposthèse était que bien le fait d'être de faire l'expérience de cette comparaison menaçante, eh bien, ça allait créer des préoccupations liées à l'image de soi, qui en fait allaient altérer, perturber les performances lors de la réalisation de la tâche. Alors pour tester cette hypothèse, on a fait une première étude dans des classes de 6e, donc on a été dans 40 classes de 6e, donc de l'Académie de Poitiers, et on a fait passer une tâche de lecture-compréhension aux élèves, qui était une tâche en fait qu'on a adapté des anciennes évaluations nationales standardisées que tous les élèves de 6e passaient. Alors cette tâche, elle consistait en quoi ? Les élèves devaient lire un texte qui était relativement difficile pour leur âge. Donc ils avaient une dizaine de minutes pour lire ce texte. Et ensuite, ils devaient répondre à des questions. Alors ce n'était pas une tâche de mémorisation, puisque pour répondre aux questions, ils avaient toujours le texte devant les yeux. Alors, comment ça se passait ? Bien, une fois qu'ils avaient lu le texte, en fait, on leur projetait avec un diaporama des questions les unes après les autres, et ils avaient un temps limité, un peu moins d'une minute, pour répondre à chaque question. Et donc, pour cette tâche, en fait, on a manipulé ensuite la comparaison sociale. Et donc, pour 20 classes, en fait, on a demandé aux élèves qu'à chaque fois qu'ils avaient terminé de répondre à la question avant le temps qui leur a été imparti, de lever la main. Tout simplement, qui est une pratique qui est très, très courante en fait, dans la salle de classe, pour indiquer en fait, qu'ils avaient fini de répondre à la question avant le temps qui leur a été donné. Et puis, pour l'autre moitié des classes, pour les 20 autres classes, donc ils passaient exactement la même tâche, mais là, on a essayé de minimiser en fait, le plus possible les dynamiques de comparaison, et en fait, on demandait explicitement aux élèves de surtout pas indiquer, de lever la main ou de dire « j'ai fini » s'ils avaient réussi à répondre à la question avant le temps qui leur a été alloué. Ensuite, on a mesuré, donc on a corrigé l'exercice, on a mesuré en fait le nombre de bonnes réponses en fait à cette tâche de lecture de compréhension, et on a regardé si la performance variait en fonction du contexte et en fonction de l'origine sociale. Et donc là, on a contrasté, on a comparé les élèves qui venaient de milieux plutôt populaires. On a fait ça à partir de la profession des parents, puisque c'est le seul indicateur dont on dispose en fait quand on va travailler avec des établissements scolaires. Donc on a regardé si la performance varie en fonction de l'origine sociale, mais également aussi en fonction du contexte. Alors ce que montrent les résultats, si on regarde les élèves de, si on compare la condition, si on regarde la comparaison sociale, on voit que les élèves de classe populaire en fait réussissent moins bien, donc c'est la première barre rouge, que les élèves de classe favorisée. En revanche, quand on est dans une condition qui limite les possibilités de se comparer, donc c'est les barres grises, la condition contrôle, on voit que cet écart, il est encore présent, mais en tout cas, il est réduit de façon significative. Donc là, on voit bien que il y a des différences liées à l'origine sociale, qui sont liées effectivement à des différences de familiarité vis-à-vis des savoirs scolaires, mais on voit que certains contextes, et là c'est un exemple, il y a d'autres contextes qui le font aussi, mais que certains contextes, comme les contextes de comparaison sociale, vont creuser en fait encore plus ces écarts. Alors notre hypothèse, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'ils vont creuser ces écarts parce que justement, eh bien, les élèves vont faire l'expérience de comparaisons qui sont menaçantes et qui vont en fait créer des ruminations, une espèce de charge mentale qui va en fait détériorer leur performance. Alors, donc cette première étude, elle est dans le sens de notre hypothèse, mais on a voulu aller plus loin puisqu'on a voulu montrer en fait que, parce que là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mesuré l'origine sociale des enfants, mais en fait, derrière l'origine sociale, il y a plein de choses qui peuvent varier. Et nous, on a voulu montrer que c'était vraiment cette familiarité vis-à-vis des savoirs scolaires, ce capital culturel qui était en jeu dans l'origine sociale. Et donc, on a voulu en fait isoler cette variable et la manipuler expérimentalement pour montrer que c'était bien ça qui était en jeu. Alors, on était face à une contrainte suivante, c'est-à-dire qu'il nous fallait, pour faire ça, il fallait créer un apprentissage complètement nouveau pour lequel, en fait, l'origine sociale des élèves ne constituerait plus un avantage. Donc, il nous fallait vraiment quelque chose de nouveau auquel les élèves n'avaient jamais été exposés. Et donc, pour faire ça, on a créé, en fait, un nouveau système d'écriture avec des lettres et des symboles, et on a, en fait, entraîné, on a familiarisé les élèves plus ou moins avec ce nouveau système d'écriture. Alors comment ça se passait ? Bien, les élèves travaillaient sur un petit carnet en papier, et puis dans ce petit carnet, ils avaient un exercice comme ça, ce qu'on appelait la tâche de codage, où ils devaient associer des lettres à des symboles, et donc ils avaient toujours un modèle sur la page de gauche, et sur la page de droite, et bien ils avaient toujours les lettres, mais avec des cases vides en dessous, et ils devaient recopier les symboles qui correspondaient aux lettres. Et comme ça, ça leur permettait d'apprendre en fait ce nouveau système d'écriture, et ça nous permettait justement de neutraliser un petit peu l'avantage lié à l'origine sociale, puisque c'était quelque chose qui était nouveau pour tout le monde. Alors, il nous fallait manipuler donc cette familiarité vis-à-vis de ce nouveau système d'écriture, et donc on a manipulé en fait le niveau d'entraînement qu'ils allaient avoir. Et pour ça, on a rajouté une deuxième tâche dans le carnet qui n'avait rien à voir, qui était en fait une tâche de calcul mental très simple. Il fallait pas que ça soit trop coûteux cognitivement pour pas non plus que les élèves soient épuisés à la fin de la tâche. Et donc là, par exemple, il fallait faire 6 plus 3 égale 9, 2 plus 6 égale 8. Donc c'était vraiment quelque chose qui était très simple pour des élèves de CM2, puisque c'était des élèves de CM2 là qui passaient l'expérience. Et donc on a manipulé en fait la proportion des deux tâches, ce qui fait qu'à la fin de la séance d'entraînement qui durait environ 3 quarts d'heure, on avait un groupe qu'on avait expérimentalement mis dans une situation de désavantage, dans une situation de faible familiarité par rapport à ce savoir, qui avait passé en fait seulement un quart du temps à s'entraîner au système d'écriture et qui avait passé trois quarts de leur temps en fait à faire la tâche de calcul mental qui ne servait à rien. Et inversement, on avait créé un groupe avantagé qui avait passé trois quarts de leur temps à se familiariser avec le nouveau système d'écriture et seulement un quart de leur temps avec sur la tâche de calcul mental. Alors, je fais une petite parenthèse, mais bien sûr, quand on fait ce type d'études, on débriefe les élèves à la fin, on leur explique ce qu'on a fait, puisque là, en fait, on les met expérimentalement dans une situation de difficulté, de vivre une difficulté, ce que beaucoup d'élèves vivent, en fait, naturellement tous les jours. Mais là, voilà, le fait de vivre cette expérience, ça peut être déstabilisant pour des élèves, surtout pour des élèves qui, en fait, n'ont pas l'habitude de se retrouver en difficulté. Donc, voilà, j'insiste bien sur le fait qu'à la fin, on prend un moment pour les débriefer et pour échanger avec eux. Et en général, c'est très intéressant parce que ça permet aussi aux élèves de verbaliser ce qu'ils vivent au quotidien quand ils se retrouvent en difficulté. Donc après cette première étape où on a manipulé un peu l'avantage ou le désavantage de capital culturel, hein, donc la familiarité par rapport à ce nouvel apprentissage, on a réalisé une évaluation où on montrait des mots aux élèves et ils devaient les coder avec le nouveau système d'écriture sans s'aider du modèle. Et à nouveau, on a manipulé la comparaison sociale, c'est-à-dire que pour une moitié des élèves, on leur a dit à chaque fois que vous avez terminé de coder un mot, vous levez la main pour l'indiquer à l'expérimentateur. Et puis pour l'autre moitié des élèves, on leur disait surtout si vous avez fini de coder un mot, on ne veut pas le savoir, vous ne levez pas la main, vous ne dites pas j'ai terminé. Voilà, vous attendez qu'on montre en fait l'autre série de mots. Alors là aussi, cette tâche donnait lieu à un score, en fait, puisqu'il y avait un certain nombre de mots à coder dans la tâche, et donc on allait compter le nombre de lettres, en fait, correctement, le nombre de cases correctement, en fait, codées. Et on a regardé si le niveau de performance à cette tâche, donc qui est indiqué ici en ordonnée, variait. Alors selon le niveau d'avantage ou de désavantage, ça on pouvait s'en douter fortement, et c'était même une condition nécessaire. On s'attendait à ce que les élèves fortement entraînés aient une meilleure performance que les élèves peu entraînés, sinon ça veut dire que notre manipulation expérimentale n'avait pas fonctionné, s'il n'y avait pas de différence entre les deux. Mais surtout, on s'attendait à ce que les élèves qui avaient été mis expérimentalement en difficulté, en fait, réussissent moins bien quand ils s'étaient retrouvés dans cette situation de comparaison sociale menaçante et qu'ils avaient été exposés à des élèves en fait super entraînés mais sans avoir conscience de ces différences en fait d'entraînement. Alors ce que l'étude montre, c'est qu'effectivement donc les élèves qui ont été bien entraînés réussissent mieux en moyenne que les élèves qui ont été mis dans une situation de désavantage, mais on voit ce qui est le plus intéressant, c'est que quand on se retrouve en difficulté, donc des élèves qui ont été peu familiarisés avec cette tâche, eh bien le niveau de performance varie selon qu'on est exposé à la réussite des autres ou pas. Hein, et on voit que les élèves qui ont été exposés à des élèves qui réussissaient mieux, donc qui ont vécu des situations de comparaison sociale menaçantes, eh bien réussissent moins bien que les élèves en fait qui n'avaient pas de connaissance de la performance des autres. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de comparaison sociale dans la classe. De toute façon, ça serait impossible. Les élèves, en fait, même quand ils n'ont pas d'informations, ils vont rechercher cette information. On peut prendre l'exemple, par exemple, des élèves qui n'ont plus de notes à l'école ou les collèges qui suppriment les notes. En fait, on voit très vite que les élèves trouvent des systèmes pour essayer de recréer des notes. Il y a même des applications qui existent pour simuler une note à partir des compétences. Donc les élèves, de toute façon, ils vont rechercher ces comparaisons. Et c'est pas la comparaison en soi qui est problématique, c'est vraiment la façon dont j'interprète. Et nous, notre hypothèse, c'est que ce qui est problématique ici, c'est pas la comparaison en soi, c'est le fait qu'on va interpréter en fait des différences de familiarité comme des différences de capacité, d'intelligence, et que ça, par contre, c'est problématique, c'est coûteux pour les ressources cognitives, et que c'est ça qui vient faire chuter la performance. Il y a des travaux sur la comparaison sociale qui montrent que voir les autres réussir mieux que soi, ça peut être bénéfique et ça peut même améliorer la performance, mais à la condition de penser que on a en fait que l'écart entre moi et la cible, en fait, on peut le réduire et qu'on a les capacités pour atteindre le même niveau de performance que la personne qu'on voit réussir mieux que soi. Alors, c'est ce qu'on a voulu tester finalement dans une troisième étude, que je ne vais pas vous présenter en détail, je vais juste simplement vous donner les résultats. Mais en fait, on a refait la même chose que dans l'étude 2, on a remanipulé des différences comme ça de familiarité avec le nouveau système d'écriture. Et là, en fait, quand on a fait l'évaluation dans la deuxième partie avec les élèves, on a expliqué à une moitié d'entre eux, on leur a fourni finalement une interprétation alternative à ces différences de réussite en leur expliquant qu'elles n'étaient pas dues à des différences de compétences, mais qu'elles étaient dues à des différences d'entraînement et en fait qu'il y avait une partie des élèves qui s'étaient davantage entraînés que les autres. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on a conscience de ça, de ces différences d'entraînement, quand on sait qu'on a été moins entraîné que les autres, eh bien la réussite, le fait d'être exposé à des élèves qui réussissent mieux que soi, c'est plus menaçant et ça ne vient plus faire baisser la performance. Donc c'est, on voit bien que ce n'est pas la comparaison sociale en soi qui altère la performance, elle n'altère la performance que lorsque en fait, j'interprète la différence entre moi et autrui comme une différence d'intelligence, de compétence. Et lorsqu'on neutralise finalement ce système d'explication, qu'on change la paire de lunettes, hein, c'est pour ça que j'ai mis une grosse paire de lunettes, qu'on finalement fournit une autre interprétation alternative, une autre explication aux différences observées, eh bien, on désamorce en fait le côté menaçant de la comparaison et finalement on restaure la performance. Donc, en conclusion de cette série d'études, ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr, il y a des inégalités initiales devant l'école et que, avant même l'entrée à l'école, il existe des différences en fait de familiarité par rapport à un certain nombre de choses. Mais on voit que finalement, les situations de classe, elles contribuent aussi à amplifier et à construire ces inégalités. Et contrairement à la théorie du handicap socioculturel qui postule que finalement ces différences initiales, elles constituent un handicap qu'on ne pourrait pas surmonter, en fait, beaucoup de travaux aujourd'hui en psychologie sociale, mais aussi en neurosciences, hein, des travaux sur la plasticité, c'est ce que dit par exemple Stanislas Dehaene, qui est souvent cité en ce moment sur les questions d'apprentissage, en fait, que les élèves ont, il y a une plasticité qui permet en fait aux élèves d'apprendre et que ces différences initiales, elles ne sont pas insurmontables en soi, mais qu'il y a bien des contextes finalement qui vont empêcher, eh bien, de que ces différences, elles se réduisent et qui vont en fait contribuer à les amplifier. Voilà. Et donc, bien sûr, les comparaisons, enfin le rôle de la comparaison sociale que je vous ai présenté là, il est à repenser plus généralement dans ce que certains psychologues sociaux appellent le contexte socioculturel, c'est-à-dire que c'est pas la comparaison en soi, c'est-à-dire que la comparaison, elle est menaçante en raison du fonctionnement de l'institution qui est relativement compétitif et en fonction d'un ensemble de croyances culturelles, notamment le croyance que la performance individuelle reflète les capacités intellectuelles, qui vont en fait rendre ces comparaisons menaçantes. Mais en fait on pourrait, et il y a des travaux qui le montrent, notamment sur les, quand on rend les contextes d'apprentissage plus coopératifs, eh bien la réussite des autres elle est moins menaçante. Alors la deuxième série d'études que je vais vous présenter maintenant, elle va s'intéresser à ce mécanisme Dès l'entrée à l'école maternelle. Moi, une partie des recherches que je fais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, en fait, ces différences de capital culturel, comment elles influencent ce qui se passe dans la classe, en fait, dès les premières années de l'école maternelle, puisque, en fait, on peut penser que c'est, enfin, voilà, ce qui va se jouer dans les premières années est très important, puisqu'en fait, très vite, il y a des hiérarchies qui vont se mettre en place entre les élèves, avec, voilà, en fait, les élèves sont assez, vont détecter assez rapidement et le niveau des uns et des autres et vont se représenter une place dans la hiérarchie scolaire assez vite. Et en gros, ces hiérarchies scolaires, ensuite, par la suite, elles vont bouger assez peu. Donc on peut penser que voilà, les dynamiques qui vont être à l'œuvre à l'école maternelle vont être très importantes dans la suite de la scolarité. Alors, les données que je vais vous présenter, qui sont des données préliminaires, en fait, c'est dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et donc qui porte justement toujours sur ce décalage culturel, mais dans les premières années de l'école maternelle. Alors, dans cette étude, on est parti du constat que je faisais en introduction, hein, qu'il existe des différences en fait liées à l'origine sociale qui sont visibles très tôt. Et on sait que l'école maternelle, en fait, elle est censée réduire ces inégalités. C'est un des objectifs très importants qui lui est assigné, est de réduire ces inégalités. Alors, évidemment, hein, que l'école maternelle, elle est bénéfique. C'est-à-dire que les élèves qui ne vont pas à l'école maternelle, et notamment, il y a des travaux aux États-Unis où l'école maternelle, en fait, n'est pas obligatoire et où il y a des différences très, très marquées selon les États, selon les villes, dans l'accès à l'école maternelle. Bien sûr, les élèves qui ne vont pas à l'école maternelle, ça a des conséquences très négatif comparativement aux élèves qui vont à l'école maternelle et que l'école maternelle, elle est bénéfique. Néanmoins, En fait, les données existantes montrent que ces différences, enfin que la socialisation à l'école maternelle ne permet pas en fait de réduire les écarts de réussite qui existent à la petite section. Et quand on prend les données, notamment à l'entrée en CP, sur ses compétences langagières, le niveau de vocabulaire, etc., eh bien ces différences, elles sont toujours très présentes. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé dans cette étude, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les interactions quotidiennes pour que, finalement, l'école maternelle n'arrive pas à gommer en fait, ces inégalités qui existent dès le départ. Et donc, on s'est intéressé au rôle des interactions langagières, puisqu'en fait, les interactions langagières, elles prennent une très grande place à l'école maternelle. Il y a beaucoup d'oral, de séances langagières, et que ça soit dans les programmes ou dans les pratiques, il y a une très grande place qui est assignée à l'oral. Et on attend des élèves, effectivement, qu'ils s'expriment, qu'ils expriment leur expérience, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances. Et puis, on attend aussi des élèves qu'ils expriment ce qu'ils pensent et qu'ils réagissent. Voilà, quand on raconte un album, on va demander aux élèves, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le loup, il va manger la petite fille ou pas, etc. Donc voilà, quand on regarde des séances matérielles, il y a beaucoup de moments qui sont dédiés au langage. Et l'hypothèse qu'on a eue, basée sur les travaux que je vous ai présentés avant, c'est-à-dire que sur cette inégale familiarité par rapport au savoir culturel, par rapport à l'expérience culturelle, eh bien, allait faire que les élèves, finalement, n'ont pas tous la même probabilité, la même chance de pouvoir s'exprimer, en fait, lors de ces séances. Hein, quand on est allé, si on a passé le week-end à Paris, qu'on est allé au Louvre, on a beaucoup plus de choses à dire lors d'une séance de langage qui porte par exemple sur Paris que lorsque on n'a jamais eu la possibilité de découvrir Paris. Ou lorsqu'on connaît déjà les albums qui vont être racontés ou qu'on connaît le personnage, eh bien ça va être plus facile de pouvoir s'exprimer que si on n'a jamais été exposé à ce type de livre. Alors, on a réalisé une étude dans quatre classes de grande section, et on a passé 5 journées à observer ces classes. Et pour cela, on s'est aidé d'un dispositif vidéo, donc d'un laboratoire d'observation portable qui est constitué de 4 caméras qu'on peut placer dans la classe et qui permet en fait de filmer avec un point de vue à 360 degrés en fait tout ce qui va se passer pendant les séances. Alors on s'est limité au moment de regroupement collectif et au moment en fait où les élèves sont tous en groupe pour pouvoir en fait filmer l'ensemble des élèves de la classe. Et ensuite, l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il permet, donc ça se présente comme ça, vous avez une valise avec des caméras, un ordinateur, et ensuite, on a comme ça, on a un logiciel de codage qui nous permet d'avoir l'ensemble des caméras, et qui permet en fait de passer d'un point de vue à l'autre et de coder de façon extrêmement précise en fait tout ce qui se passe dans la classe. Donc on peut coder qui parle, combien de temps, qui parle à qui coupe la parole à qui, etc. Et on peut comme ça avoir de façon très précise quantifier en fait l'ensemble des interactions langagières. Alors, ce que montre cette étude, donc c'est des résultats préliminaires parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait fini le codage des vidéos. C'est extrêmement coûteux et long en fait en termes de temps. Ce qu'on voit, c'est que si on prend si on prend le temps de parole moyen par enfant rapporté à l'origine sociale, on voit que le temps avec lequel les élèves s'expriment n'est pas du tout le même en fonction de l'origine sociale et que en fait, l'origine sociale de l'élève prédit fortement la durée avec laquelle il parle durant ces moments d'échange collectif. Donc ça, c'est un temps moyen sur l'ensemble en fait, des observations qu'on a faites par rapport à l'origine sociale et rapporté au nombre d'enfants par classe sociale. Donc on a quand même 45, ça veut dire qu'en gros, les élèves de milieux favorisés en fait, parlent quasiment, on va dire, presque la moitié du temps comparativement aux 2 autres classes sociales réunies. On a la même chose en fait sur les filles et les garçons, c'est-à-dire qu'on a aussi une inégalité de genre entre les filles et les garçons. Alors je vous le présente pas maintenant parce que on n'a pas assez de données pour pouvoir tester ça, mais en fait on a dans le projet qu'on est en train de mener en ce moment sur un plus gros échantillon, on s'intéresse aussi en fait à l'interaction entre le genre et la classe sociale, puisque en fait on a des raisons de penser que les effets de classe sociale vont s'exprimer différemment suivant le genre. Hein, il y a des observations, Fabienne Montmasson-Michel, qui est une sociologue qui a fait sa thèse là-dessus, elle montre que, par exemple, les garçons de milieu favorisé, ce sont ceux qui s'autorisent le plus à couper la parole, à prendre la parole aux autres, etc. Et que les filles de milieu favorisé, si elles s'expriment plus que les filles de milieu populaire, en revanche, elles sont beaucoup plus respectueuses des règles de prise de parole dans la classe, et elles vont moins se permettre de couper la parole et de prendre la parole sans avoir interrogé. Donc en fait, pour faire des prédictions précises, ce qui est très intéressant, c'est de prendre à la fois ces deux variables que sont le genre et la classe sociale, puisque les effets de classe sociale s'expriment différemment selon en fait le genre de l'élève. Alors si, par rapport à ces prises de parole, si on regarde maintenant quels sont les enfants qui sont interrogés, si on regarde la fréquence avec lesquelles les enfants sont interrogés, eh bien on voit effectivement que les élèves de milieu populaire sont moins sollicités que les élèves de milieu de classe moyenne et de classe favorisée. Et si on regarde la durée, enfin une fois qu'ils sont interrogés, si on regarde combien de temps ils parlent après avoir été interrogés, eh bien on voit que les élèves de milieu favorisé ont tendance à davantage aussi garder la parole et à parler plus longtemps que les autres élèves lorsqu'ils ont été interrogés. Donc il y a à la fois le fait d'être interrogé plus souvent, mais une fois que je suis interrogé, eh bien je vais garder la parole plus longtemps, j'ai plus de choses à dire. Alors soit j'ai plus de choses à dire, soit aussi j'ai aussi cette capacité finalement à garder un peu et à monopoliser un peu plus la parole. Si on regarde maintenant le fait de parler sans avoir été interrogé, parce que c'est aussi ce qui se passe dans la salle de classe, et notamment en maternelle, où il y a beaucoup d'échanges langagiers, eh bien on peut observer qu'il y a des élèves qui vont prendre la parole sans avoir été interrogés. Alors soit parce que c'est une question collective qui s'adresse à tout le monde, et donc les élèves vont spontanément prendre la parole, mais aussi parce qu'ils ont coupé la parole à un autre élève, mais aussi à l'enseignant. On voit des élèves qui coupent la parole à l'enseignant et qui coupent la parole aux autres élèves. Si on regarde sur la fréquence de ce type de comportement, là encore, on voit que les élèves de milieu favorisé vont davantage prendre la parole sans y avoir été invités que les autres. Soit parce qu'ils ont coupé la parole, soit parce qu'ils ont réussi comme ça à s'exprimer sans y avoir été invités. Et si on regarde maintenant la durée avec laquelle ils parlent quand il y a ce type de comportement, eh bien là aussi, on a des différences qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que quand je prends la parole sans avoir été invité à la prendre, eh bien je vais parler plus longtemps que si je suis d'un milieu favorisé, que si je suis d'un milieu populaire. Alors, comme je le disais, c'est des données préliminaires. Le travail qu'on est en train de faire en ce moment avec justement le financement qu'on a obtenu par l'Agence nationale de la recherche, c'est d'essayer de répliquer ces résultats sur un plus grand échantillon, puisque peut-être que ces effets ils sont liés à des situations particulières et qu'on voudrait voir si on peut les répliquer sur un plus grand nombre de classes. Ce qui nous intéresse aussi, comme je le disais, c'est de pouvoir analyser cette interaction entre le genre et l'origine sociale, pour regarder est-ce que les effets de classe sociale sont différents en fonction du genre. Et puis, on souhaite aussi regarder comment ces inégalités, elles évoluent entre la petite section et la grande section. Puisqu'en fait, quand on regarde les études sur les inégalités précoces, vous avez des études qui ont lieu avant la petite section, dans les familles, où vous avez par exemple des linguistes, des sociologues, qui vont aller mesurer des choses dans les familles. Et puis après, vous avez les travaux plutôt en fin de grande section ou en CP, qui sont basés sur des évaluations nationales ou sur d'autres études, mais souvent, ce n'est pas les mêmes indicateurs qui sont utilisés à 2 ans et à 6 ans, ce qui fait que c'est compliqué finalement de dire est-ce que finalement ces inégalités entre 3 et 6 ans, est-ce qu'elles ont réduit un petit peu, est-ce qu'elles ont augmenté, est-ce qu'elles sont restées pareilles. On sait juste qu'elles sont encore présentes, mais c'est difficile de vraiment dire comment elles ont évolué. Et donc là, le but, c'est à travers ces prises de parole-là, de pouvoir quantifier en fait l'évolution entre la petite section et la grande section. Est-ce que ces dynamiques que je vous ai montrées, est-ce qu'elles évoluent ou pas? Est-ce qu'elles restent identiques? Est-ce qu'elles s'amplifient? Voilà, pour pouvoir essayer de répondre à cette question. Et puis notre objectif, c'est aussi de voir est-ce qu'on peut, avec ces connaissances-là, est-ce qu'on peut aussi former les enseignants, leur expliquer ces mécanismes du décalage culturel et puis de comment ça se manifeste dans la classe, de les outiller peut-être avec des méthodes pédagogiques qui permettent de distribuer la parole de façon un peu plus équitable. Est-ce qu'on peut arriver avec une intervention à essayer de réduire ces logiques-là? Donc notre but, c'est de développer comme ça une intervention dans un deuxième temps avec des enseignants, avec un groupe expérimental et un groupe contrôle, et de regarder si en fin d'année il y a un effet en fait sur la prise de parole des élèves. Est-ce qu'on peut arriver à réduire ces écarts en formant les enseignants sur ces questions-là? Je ne sais pas combien de temps il me reste exactement. Je peux soit m'arrêter là, soit présenter une dernière chose. 10 minutes, ouais, bon ben voilà, c'est très bien. Alors, bon, je suis passé de CM2 6e à la maternelle. Là, je vais faire un bond en avant et je vais vous présenter une dernière recherche qui porte cette fois-ci sur l'université et qui porte toujours sur le décalage culturel et l'université, mais qui porte sur un autre aspect du décalage culturel qui est ce qu'on appelle la conception de soi indépendante ou interdépendante, c'est-à-dire la façon qu'on a de se définir en tant qu'individu, qui est finalement un autre élément du capital culturel dont on sait aujourd'hui qu'il joue un rôle dans la réussite. Alors, on sait qu'il y a, par rapport à cette question des inégalités, comme je le disais en introduction, on a une élimination progressive du système éducatif des élèves issus des milieux populaires avec l'avancée dans les études. Il y a par exemple, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, là, qui est sorti en 2019, qui documente très précisément, en CP, en CE2, en 6e, ensuite par rapport à l'accès en seconde générale, seconde technologique, les voies professionnelles, puis ensuite l'université. En fait, quel est le pourcentage en fait d'élèves de milieux populaires, de classe moyenne, de milieux favorisés? Et on voit effectivement que le pourcentage d'élèves de milieux populaires, il diminue de plus en plus quand on se rapproche de l'université. Alors on pourrait se dire peut-être qu'une fois à l'université, la partie est gagnée et que les élèves qui de milieux populaires qui arrivent à l'université, ben ils ont les mêmes chances que les autres de réussir et qu'ils vont avoir un niveau de réussite égal en fait à leurs camarades de milieux plus favorisés. Alors bon, je spoil un peu, c'est pas le cas en fait. On voit aussi qu'une fois à l'université, il y a aussi des contextes qui sont plus ou moins menaçants, ben justement les stéréotypes. Alors les stéréotypes liés à l'origine sociale, les stéréotypes de genre, que l'aspect aussi compétitif de certaines écoles, et notamment des grandes écoles, est aussi un obstacle, une barrière. Hein, et que, si, alors en gros, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand on regarde les chiffres sur les premières années, sur la première année de licence, je crois qu'on a quelque chose autour de 10% d'élèves qui viennent des milieux populaires. Mais si on regarde les variations liées aux disciplines, bah, vous n'avez pas du tout la même chose en médecine ou en psychologie. Et puis ensuite, si on regarde après la licence, si on regarde notamment l'ENS, Sciences Po, des filières très, très prestigieuses, là vous avez des pourcentages qui chutent à 1 ou 2%, enfin, c'est vraiment très, très, très faible. Alors il y a différentes explications bien sûr à ça, il y a des explications économiques, hein, si vous voulez faire l'ENS par exemple, ben, si vous avez fait Louis le Grand ou Henri IV avant, qui est juste à côté, vous avez beaucoup plus de chances de rentrer à l'ENS. Par contre pour faire Louis le Grand, eh bien il y a des logiques de carte scolaire qui font que si vous habitez pas dans le 5e arrondissement de Paris, et le loyer est quand même légèrement élevé, eh bien vous avez beaucoup moins de chances de rentrer à Louis le Grand. Alors bien sûr il y a des politiques d'ouverture pour pouvoir recruter des élèves qui n'habitent pas en fait dans un territoire proche, mais quand même globalement on sait qu'il y a des logiques économiques qui sont liées au lieu d'habitation qui vont fortement influencer ces logiques d'orientation. Donc ça il faut pas le nier, elles existent, mais voilà, au-delà des effets de carte scolaire, eh bien vous avez aussi des effets psychologiques liés aux stéréotypes, liés en fait à la connaissance de ces logiques d'orientation, et vous avez, alors moi c'est ce qui m'intéresse, des effets psychologiques qui sont liés encore une fois au décalage avec les normes qui sont promues par l'université. Alors ces travaux ils viennent surtout des États-Unis, on est en train de les répliquer en France, donc peut-être que vous allez vous dire ça semble un peu moins vrai au premier abord. Mais en fait, pas tant que ça. Un des standards en fait qui est très présent dans les universités et notamment dans les universités américaines, c'est ce qu'on appelle la norme culturelle d'indépendance. C'est quoi ? Eh bien, c'est le fait que on attend des étudiants qu'ils soient autonomes, qu'ils soient indépendants, qui tracent leur propre chemin et qu'ils fassent ça en fait finalement sans l'aide des autres. Donc, il y a cette idée que, eh bien, voilà, on doit devenir unique. On doit être créatif, on doit exprimer des idées qui sont originales, qui sont novatrices, et que finalement ne pas être unique, ne pas être différent, c'est perçu plutôt négativement. Sauf que finalement, ce standard d'indépendance, il est encore une fois beaucoup plus proche de la socialisation des classes favorisées, où en fait, dès tout petit, les enfants sont invités à exprimer cette indépendance. Les pratiques de socialisation et d'éducation dans les familles favorisées, on va dès le plus jeune âge inviter les enfants à exprimer leur identité, à exprimer ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que tu penses. On va les inviter à choisir ce qu'ils ont envie de manger, comment ils s'habillent, à choisir les activités extrascolaires. Et finalement, on les éduque avec cette idée qu'ils sont uniques et qu'ils doivent exprimer cette unicité, cette indépendance à travers leurs choix, à travers leurs actions. Et puis en plus, bah voilà, il y a aussi des conditions économiques qui permettent la réalisation de cette expression de l'unicité. Voilà, j'ai envie d'aller découvrir les États-Unis, je vais aller faire un séjour linguistique aux États-Unis pendant les vacances d'été, ce qui a un coût qui n'est pas accessible forcément à tout le monde. Inversement, dans les milieux populaires, on a une conception de soi qu'on appelle plutôt interdépendante, où la socialisation familiale fait qu'on va apprendre aux enfants à, dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, dans la vie, c'est pas toujours facile. Et donc, on a plutôt intérêt aussi à prendre en compte les autres, à aussi s'appuyer sur les autres, à travailler en solidarité, en coopération avec les autres. Et donc, les élèves, quand ils arrivent à l'université, ils peuvent ressentir un décalage plus ou moins important avec ces valeurs d'indépendance qui vont être promues et qui vont être un peu l'idéal culturel à atteindre. Alors, il y a des travaux qui ont montré que, en fonction de l'origine sociale, cette conception de soi plutôt interdépendante qu'on retrouve dans les milieux populaires, elle va être en décalage avec ces normes d'indépendance, alors que la conception de soi des étudiants de milieux favorisés, elle va être plutôt en accord avec cette culture d'indépendance, et que ce décalage culturel, il va avoir des conséquences sur la façon dont les étudiants ressentent l'université de façon plus ou moins confortable. Donc il y a les travaux qui ont montré que notamment ça a une incidence sur le stress ressenti, sur les émotions ressenties, mais aussi ça a des conséquences sur les performances universitaires. Et donc cette dimension finalement du décalage culturel qui est comment je me définis et je me conçois comme un individu autonome qui doit faire ses propres choix, ses propres actions, ou au contraire comme un individu plutôt interdépendant et qui se définit dans la relation avec les autres personnes, ça va avoir des conséquences sur en fait l'expérience de l'université et les performances. Alors ça, ces travaux, ils ont documenté ça plutôt à l'entrée à l'université. Mais jusque-là, en fait, il y a assez peu de travaux qui ont posé la question comment ça évolue avec la socialisation universitaire. Est-ce qu'avec l'avancée dans les années, est-ce que les étudiants de classe populaire, finalement, ne deviennent pas plus indépendants, moins interdépendants? Et est-ce que ce décalage culturel, il est réduit avec l'avancée dans les études? Alors, on a fait ça dans une série d'études, une étude transversale où on a dans un premier temps comparé les étudiants de première année et les étudiants de dernière année. Donc on a fait ça aux États-Unis, mais en fait on est en train de refaire l'étude en France et on a les premiers résultats. En fait on a répliqué ce qu'on avait obtenu aux États-Unis. Donc il semblerait que ce phénomène, c'est pas simplement un phénomène américain. Et puis on a fait aussi une étude longitudinale où on a suivi les élèves pendant 4 ans entre la première année et la dernière année. Alors je dis 4 ans parce qu'aux États-Unis le bachelor c'est en 4 ans, donc le diplôme classique c'est un diplôme de 4 années. Alors là je vous montre vraiment comment on a fait pour mesurer ça. On a mesuré la conception de soi indépendante ou interdépendante des étudiants par un questionnaire qui mesure en fait pourquoi je suis à l'université. Et en fait, quand les étudiants doivent dire pourquoi je suis à l'université, ils doivent en fait se positionner par rapport à différentes raisons. Alors il y a des raisons qui reflètent l'indépendance. Par exemple, je suis à l'université pour explorer mon potentiel dans plusieurs domaines, pour devenir un penseur indépendant, pour explorer de nouveaux centres d'intérêt. Et puis des motivations qui reflètent plutôt une construction de soi interdépendante. Par exemple, je suis à l'université pour offrir une meilleure vie à mes enfants, pour redonner en fait ce que j'ai reçu à mon entourage, pour en fait apporter de l'honneur à ma famille. Où là, c'est des choses qui reflètent plutôt l'interdépendance, la connexion avec les membres de sa famille, les amis, etc. Et donc, on a regardé. Donc là, je vous montre un peu c'est une synthèse des résultats à la fois de l'étude transversale et longitudinale. Quand on regarde, quand on compare les étudiants de première année et de dernière année sur ces motivations-là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que les étudiants de milieux populaires ont une conception de soi indépendante qui est moins importante que les étudiants de milieux favorisés, et que ce décalage, en fait, il persiste avec l'avancée dans les études. C'est-à-dire que 4 ans après, on a toujours cette différence avec des étudiants qui sont moins les étudiants de classe populaire qui sont moins indépendants que les étudiants de classe favorisée. Si on regarde maintenant la conception de soi interdépendante, eh bien, on a le même phénomène. On a des étudiants de classe populaire qui sont plus interdépendants que les étudiants de classe favorisée. Et ce décalage, en fait, de la même façon, il n'est pas réduit avec l'avancée dans les études. Les étudiants de classe populaire ne deviennent pas, donc on a vu qu'ils ne devenaient pas plus indépendants, mais ils ne deviennent pas non plus moins interdépendants. Et donc, eh bien, ça veut dire que voilà, la socialisation en fait avec dans la socialisation universitaire ne permet pas de réduire ce décalage. Alors dans la deuxième étude, mais je vais aller très vite et je veux pas vous. En fait, on a mesuré différentes choses. On a mesuré donc l'origine sociale, les motivations, comme je vous les ai présentées, motivations indépendantes et interdépendantes. Et aussi, on a mesuré une autre variable psychologique qui est très importante, qui s'appelle le sentiment d'appartenance en fait à l'université. Et ce qu'on montre, ce qui explique le fait que le décalage culturel ne se réduit pas, c'est que en fait, ce décalage culturel entre la conception de soi interdépendante et la norme indépendante de l'université, en fait, elle va engendrer un faible sentiment d'appartenance à l'université. En fait, les étudiants se sentent un peu moins chez eux. On peut dire que, en gros, les étudiants de classe favorisée vont se sentir un peu comme à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, cet environnement, il est très proche de ce qu'ils connaissent. Alors que pour les étudiants de classe favorisée, cet environnement, il est un peu différent. Et ils vont se sentir moins appartenir. Et le fait de se sentir moins appartenir, eh bien, ça va empêcher les processus de socialisation d'opérer de la même façon que chez les autres, et ça va finalement réduire un peu les bénéfices qu'ils peuvent tirer de l'université. Et bien sûr, en dernier recours, et bien tout ça influence la réussite académique, et on voit que en fait en fin de parcours, au bout de 4 ans, et bien il y a toujours une différence de réussite académique liée à l'origine sociale. On a des étudiants qui globalement ont des moins bonnes notes, réussissent moins bien en fait en fin de parcours, des étudiants de classe populaire qui réussissent moins bien que les étudiants de classe favorisée. Voilà. Et donc, comme je le disais, on est en train de faire une réplication française en ce moment, et en fait, les premiers résultats en fait vont dans le sens de ce qu'on a observé aux États-Unis. Donc, il semble que ce phénomène ne soit pas spécifique aux États-Unis. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais remercier les personnes avec qui j'ai fait ces études, et puis remercier aussi mes deux filles qui sont une grande source d'inspiration dans toutes ces études et ces idées un peu d'expérience, et le fait de les observer au quotidien m'aide vraiment à réfléchir à ça et puis aussi à concevoir des dispositifs pour étudier toutes ces questions-là. Voilà, donc je vous remercie et puis voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? Oui. Bonjour. Moi, c'est par rapport le dernier point que vous avez abordé, sur le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y a, dans votre étude, quelque chose qui interroge le sentiment aussi de loyauté ou de déloyauté envers son milieu d'origine ? Notamment chez les étudiants issus de milieux populaire. Est-ce que dans cette interdépendance, il y a aussi ce côté peut-être de sentiment qu'on peut trahir son milieu d'origine si on devient trop indépendant ou... Enfin, est-ce que voilà. Alors, ben merci pour cette question. C'est une très bonne question. Alors non, nous, on n'a pas du tout mesuré ça. Néanmoins, il y a des collègues français qui travaillent sur cette question. Notamment, je vais en parler tout à l'heure, Mickaël Jury, Céline Darnon et une de leurs étudiantes, là, Lisée Bruno, qui travaille sur un concept un peu très proche, qui est en fait autour de la peur d'échouer quand on est en phase de mobilité ascendante, c'est-à-dire que lorsqu'on vient d'un milieu défavorisé et qu'on est en phase de faire une ascension sociale, hein, parce qu'en fait on va avoir un diplôme à l'université et donc ça va potentiellement nous donner accès à un métier qui est plus prestigieux, mieux rémunéré que celui de nos parents. En fait, ça peut créer, on va davantage ressentir cette peur d'échouer, alors qui peut être liée à cette question de la trahison, que c'est Bourdieu qui disait ça, effectivement, qu'on peut avoir comme sentiment de déloyauté, mais qui est aussi lié, et je pense que c'est pas indépendant, à ce fait que je suis vraiment très proche d'avoir une mobilité ascendante, et donc j'ai vraiment peur d'échouer un peu au dernier moment de réaliser cette mobilité. Et effectivement, ces préoccupations liées au fait de changer de milieu social, elles peuvent être un obstacle, effectivement, et perturber les performances des étudiants quand ils sont sur le point, justement, de changer de milieu social. La pression de parler de l'honneur des étudiants qui signifie... moi, je sais pas, ça m'évoque la question de l'honneur. Les étudiants évoquent, qui veulent faire honneur à leur famille, etc. Enfin, cette pression supplémentaire de... Voilà, de se dire, faire honneur à sa famille, enfin, c'est quand même énorme. Et ça, j'imagine que ça influence beaucoup l'angoisse de performer et puis d'arriver à ce... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que les études dont je vous parlais, elles ont mesuré ça, elles ont mesuré ce qu'on appelle les buts de performance évitement. C'est-à-dire c'est vraiment la peur d'échouer. Et on voit que la peur d'échouer, elle est plus présente chez les étudiants de milieu populaire, mais surtout en fait chez ceux qui ont plutôt une bonne réussite, parce qu'en fait ils sont tellement proches de réaliser cette ascension sociale et ce changement de milieu social que en fait c'est extrêmement menaçant pour eux. Et on peut penser, comme vous le disiez, qu'il y a aussi des phénomènes. Alors je pense que ça a été étudié en sociologie, mais j'ai pas de référence comme ça à donner. Mais oui, c'est ce sentiment peut-être qu'on va trahir, en fait, le fait de changer de milieu social, ça serait un peu, ça fait comme un conflit de loyauté, sans doute joue un rôle aussi et peut avoir un effet négatif sur la performance et le fait d'obtenir un diplôme, ou peut-être que voilà, ça va le fait qu'on va s'interdire certaines filières ou certaines grandes écoles parce qu'on a un peu ce conflit de loyauté. Ouais. Mais on l'a pas mesuré dans cette étude, mais effectivement, ça serait intéressant de le faire. Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous aviez évoqué l'étude à Poitiers avec les élèves de CM2. Comment avez-vous choisi l'école? Quels ont été les critères de choix pour cette école et pas une autre? Alors, effectivement, comment on a choisi? Alors, ces études, je les ai faites au début de ma thèse. Et donc, c'est vrai que... J'ai commencé par choisir, en fait, j'ai fait ça dans des classes où je connaissais soit les enseignants ou alors je contactais un inspecteur ou une inspectrice de l'éducation nationale qui me donnait un certain nombre de noms d'écoles. Donc c'était un peu pour des raisons pragmatiques d'accès au terrain. Maintenant, c'est plus facile quand on réalise des études. Au bout d'un certain nombre d'années, on connaît un peu plus le fonctionnement. Maintenant, je travaille par exemple beaucoup avec le CARDI, avec le rectorat. Donc, c'est plus facile d'avoir des échantillons plus importants. Mais là, c'était un peu le début. Donc, j'allais voir les enseignants que je connaissais ou des noms d'écoles d'enseignants qu'on me donnait. En revanche, la particularité des écoles dans lesquelles j'ai fait ces études, c'est des écoles, en fait, en Poitou-Charentes, on a des écoles qui sont relativement mixtes. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir des écoles où, finalement, toutes les origines sociales étaient relativement bien représentées. C'est-à-dire que, ça on a vérifié dans les analyses que la proportion en fait, entre les élèves de classe favorisée, classe populaire, classe moyenne, elle ne variait pas en fait, trop selon les écoles, que globalement c'était des écoles qui se ressemblaient de ce point de vue, parce qu'effectivement sinon ça peut jouer un rôle, mais en gros c'était pas des écoles de REP, où il y avait un pourcentage élevé d'élèves de milieux populaires, et c'était pas non plus des écoles de milieux trop favorisés. On essayait d'avoir des écoles relativement mixtes pour pouvoir comparer ce qui est comparable et qu'on n'ait pas cette composition de la classe qui varie en fait entre les classes et les écoles. Bonjour. Sur la deuxième recherche, celle sous la prise de parole, est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous avez déjà réalisé une comparaison entre vos observations en contexte de classe et hors contexte de classe pour voir si vous aviez le même phénomène ? Et du coup, derrière, il y a la question finalement des implicites et de la pression par rapport au système éducatif. Et quand on est à l'école, on ne réagit pas forcément quand on est hors de l'école. Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas une réinterrogation justement des attendus de l'école sur les premières années ? Et du coup, ça pourrait expliquer peut-être certains décalages à l'échelle internationale sur des systèmes éducatifs différents et sur des réussites différentes des élèves, quelles qu'elles soient. Donc je voulais savoir si c'était prévu dans cette recherche ou si ça avait été fait. Alors ça serait très intéressant, c'est vrai qu'on y a pensé. Moi j'aimerais beaucoup observer par exemple et filmer les cours de récré. Il y a quelques travaux en sociologie là, qui sont sortis récemment. C'est des observations sur l'occupation de la cour de récréation par les filles et les garçons et qui montrent que les garçons occupent un espace central, notamment lié à l'espace où on joue au foot et au ballon. Et du coup, les filles sont vraiment reléguées dans les espaces périphériques de la cour de récré. Donc je pense que ça serait très intéressant de pouvoir filmer aussi les cours de récré ou même d'autres moments plus informels en fait, qui existent dans la salle de classe. Pour pouvoir répondre à ce que vous dites, effectivement, voir si on a des logiques différentes. On peut penser que oui, hein. On peut penser qu'effectivement, les moments d'apprentissage formalisés, même quand ils sont relativement moins structurés dans les premières années, on peut penser qu'on a des choses différentes sur d'autres espaces, que ce soit la cour de récréation, que ce soit des moments plus informels de jeu. Et ça serait très intéressant de pouvoir le faire, notamment sur ces questions de genre et de regarder effectivement quand on voit les jeux de construction, on peut penser que les garçons s'orientent beaucoup plus sur les jeux de construction dans les moments libres de jeu que les filles, etc. Et que ça peut aussi jouer un rôle dans la construction des goûts et des intérêts pour la suite des parcours. Donc ça serait intéressant. Et après sur le côté de comparaison des systèmes éducatifs, oui, on peut penser ça. Si on regarde PISA et les pays qui sont les moins inégalitaires, c'est les pays, je crois, du Nord, la Norvège, le Danemark, la Suède, et c'est des pays effectivement où il y a très peu de sélection, très peu de compétition, très peu de notation jusqu'à avant l'université. Donc c'est des pays finalement qui sont beaucoup plus centrés ce qu'on pourrait appeler les motivations d'apprentissage et moins les motivations de performance. Et on peut penser que ça joue un rôle effectivement dans la construction des inégalités. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Partiellement, c'était sur un même exercice. En fait, le décalage culturel, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire justement à ce niveau-là ? C'est-à-dire qu'en fonction de l'exercice, de l'intitulé de l'exercice, un élève qui va se sentir plus expert prendra plus facilement la parole. Si obligatoirement l'exercice est de format très scolaire, obligatoirement on crée ce décalage culturel. Donc c'est plutôt par rapport à la culture des élèves qu'on a en face, s'il n'y a pas quelque chose à travailler justement là-dessus. Et le fait de comparer contexte de classe et hors classe, c'est-à-dire pour un même exercice, mais avec un contenu différent, de voir si les prises de parole sont équivalentes, si vous allez avoir exactement les mêmes répartitions ou non. Oui, je pense qu'on pourrait faire cette prédiction, ça serait intéressant de le montrer. Ça a été fait alors sur des contenus différents, mais il y a effectivement des travaux en psychologie sociale qui ont manipulé cet habillage de la tâche, notamment les travaux de Pascal Huguet et de Montaigne sur la comparaison sociale, qui ont montré que, ou même les travaux sur la menace du stéréotype, qui montrent que pour une même tâche, quand on présente ça, par exemple comme une tâche de logique, de mathématiques, versus comme quelque chose qui n'est pas labellisé tel quel, on voit qu'il y a des différences, en fait, que c'est plus inégalitaire quand c'est présenté comme faisant partie, comme étant un, des maths par exemple. Donc on peut penser qu'on pourrait observer des résultats similaires, oui, sur ce, sans doute, si le contexte était, était différent. Ça serait intéressant de le montrer, ouais, c'est une bonne idée, merci. Je vais me permettre une dernière question si personne n'en a une. Si, oui. Bon, bah alors du coup, je la poserai à la pause. Bonjour, merci. Moi, j'étais intéressée de voir aussi la différence de performance des élèves d'origine favorisée en contexte de comparaison menaçante. Finalement, ils sont plus performants qu'en situation de comparaison contrôlée. Donc l'idée d'émulation, finalement, elle est effective, mais pour justement dans les milieux qui valorisent cette idée. Et je voulais vous demander, du coup, vous avez une phase à venir d'enquête où vous allez faire des préconisations auprès des enseignants pour justement développer la coopération et contrôler les comparaisons menaçantes. Donc je voulais savoir quelles étaient les préconisations que vous allez leur proposer. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore, c'est-à-dire que... L'idée, c'est déjà d'essayer de répliquer les résultats. Est-ce qu'on les réplique sur un grand échantillon ? Et effectivement, si on les réplique, là, l'intervention qu'on a prévue, elle est pas tant sur la comparaison. Alors, bien sûr, en fait, on a fait cette étude parce que, en fait, l'idée, c'était de vérifier effectivement s'il y a des élèves qui prennent plus la parole que d'autres, qui s'expriment plus que d'autres plus longtemps, eh bien, forcément, ça génère de la comparaison sociale très tôt et qu'on peut penser que cette comparaison sociale va, pour les raisons que j'ai pu expliquer, créer de l'inégalité et va finalement amplifier l'inégalité de départ existante. L'intervention qu'on veut faire là, pour les enseignants, alors on pourrait faire des choses sur la comparaison sociale aussi, mais là c'est vraiment plutôt sur le décalage culturel en fait, et d'expliquer ce que fait par exemple, merveilleusement bien Bernard Laïr dans son dernier livre là, sur l'enfance de classe, de prendre conscience que en raison de ces logiques de socialisation familiale, les élèves justement arrivent à l'école avec des niveaux de connaissances, de compétences qui sont pas liées à des différences de motivation et d'intelligence, mais qui sont bien liées à des, parce qu'ils vivent et ils sont socialisés dans des univers qui peuvent être radicalement différents, et pour en fait se dire que c'est pas parce que certains élèves connaissent ça, savent faire ça, qu'en fait ça doit être un prérequis, et donc faire prendre conscience de ce décalage pour essayer justement peut-être d'agir dessus et de permettre et de favoriser la parole des élèves qui n'ont pas été socialisés en fait dans ces univers-là qui sont extrêmement effectivement riches et super pour les enfants, c'est super d'avoir des parents qui nous lisent des histoires, qui nous emmènent au musée, c'est génial, il s'agit pas de remettre en cause ça, mais effectivement le fait de vivre dans des univers qui sont différents où il n'y a pas ce capital culturel là ou en tout cas de façon qui n'est pas qui est un peu différente, et bien voilà, d'avoir conscience de ces logiques là pour en fait déjà percevoir l'écart entre les élèves différemment et puis essayer d'avoir des pratiques. Et là il y a encore un point d'interrogation, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement quelles pratiques on peut avoir pour réduire ça, et c'est pas une question qui est facile, et pour l'instant on n'a pas y a rien qui est tranché là-dessus, mais pour favoriser aussi les paroles de la prise de parole des élèves qui n'ont pas été socialisés dans des univers extrêmement et culturellement riches comme ça. Dernière chose, il y a des travaux en sociologie, notamment de Christophe Joigneux, sur la répartition de la prise de parole à l'école maternelle. Il montre qu'au-delà du nombre d'interrogations des élèves par l'enseignant, il y a le type de questions, des questions ouvertes aux élèves dont on s'attend à ce qu'ils soient à l'aise à l'oral, et des questions beaucoup plus fermées, moins exigeantes quelque part, et que finalement ça renforce aussi ces inégalités de départ. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais effectivement, dans ce projet, on s'est entouré de notamment Mathias Millet, qui connaît bien, qui fait de la sociologie de l'éducation et de la petite enfance, et de Fabienne Montmasson, Michel, qui a fait sa thèse avec lui et qui a fait vraiment sa thèse là-dessus. Et donc c'est très très proche de certains travaux d'Escol, que vous citez, et puis d'autres, d'Elisabeth Bautier, Stéphane Bonnery. Donc là, c'est vrai que j'ai présenté un peu les choses dans les grandes lignes, mais en fait l'intérêt de la vidéo, c'est que ça va pouvoir nous permettre aussi d'examiner de façon plus qualitative sur les types de prises de parole, alors à la fois d'un point de vue de l'enseignant, mais d'un point de vue de l'élève, c'est-à-dire qu'il y a parlé et parlé, et on sait qu'il y a certaines façons de parler qui vont être qui vont produire des choses différentes aussi, enfin dans la façon de répondre à la question. Et donc ça, c'est vrai que l'intérêt de la vidéo, ça nous permet en fait d'avoir une base de données ensuite qu'on peut analyser de façon très fine aussi avec des grilles de lecture comme ça. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci.